Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le 61e numéro de Sur nos écrans. Un numéro qui intervient après la grande valse des bilans de saison. Et on va faire aujourd'hui le bilan global de la saison 2015-2016 du côté des séries télé plus ou moins reliées aux comics. Je suis Mathieu et vous allez écouter le bilan de la saison télé. My name is Bruce Wayne. And I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi aujourd'hui, bah presque tout le monde en fait, Arnaud. Salut. Clément. Salut. Elodie. Bonsoir. Et Léo. Salut. Ma langue a failli fourcher, j'ai failli dire Irish, mais non. Pas non. Ce soir. Bien, comment va se passer ce bilan? Tout simplement, vous avez chacun communiqué, enfin vous m'avez chacun communiqué votre liste de toutes les séries que vous avez regardées cette saison, classée de celles que vous avez trouvées la meilleure à celles que vous avez trouvées la pire. J'ai fait de même, les auditeurs et lecteurs ont fait de même sur comicstories.fr, ce qui nous donne un classement global avec quelques petits calculs. Tout simplement, la série qu'on aimait le moins, on lui donnait un point, celle qu'on plaçait juste au-dessus, deux points, etc., jusqu'à la meilleure qui récoltait donc le maximum de nombre de points. Quant aux auditeurs, ils avaient à répondre à deux questions, les cinq séries qu'ils préféraient et les cinq séries qu'ils ont trouvées les plus mauvaises. Chacune de ces questions a abouti à un classement avec de 1 à 20 points pour les séries en fonction de leur place. Ce qui fait que, étant donné que Arnaud, toi, tu as regardé 12 séries cette saison, sur 20, pas mal. Clément, tu en as regardé 9, Elodie 10, Irish 11, Léo 9 et moi j'en ai vu 15. Nous avions donc au total 106 points. Si jamais tout le monde est d'accord, si jamais tout le monde a choisi la même série pour être en tête, elle marquera donc le score maximum de 106. Voilà. Bizarrement, j'en doute. Eh bien, on va voir. Suspense. Bon, j'ai le tableau sous les yeux. Ouais, toi, tu sais ce que tu as voté, donc peut-être que ça te provoque des doutes. Ah bah clairement, oui. Voilà pour grosso modo le principe. On se posera évidemment dans l'émission quand même la question est-ce que Marvel fait de meilleures séries que DC? On verra ça avec le classement. Est-ce qu'une chaîne s'est cassée la gueule cette année? Est-ce qu'il y en a une qui s'en sort mieux que les autres? Ou est-ce qu'il faut aller regarder au-delà de la télé pour peut-être trouver de bonnes séries? On essaiera de voir un petit peu tout ça avec le classement. Voilà un petit peu les enjeux. On va commencer avec celle qui se classe dernière. Pour surprise. Pour remonter tranquillement à la première place. La série qui se classe dernière récolte 14 points. Autant vous dire que c'est très, très, très faible. Mais alors attends, parce que moi j'ai une question. C'est-à-dire que les séries qu'on regarde pas, et qu'on n'a pas mis dans notre classement, c'est qu'elles sont mauvaises. C'est des séries qui ont eu zéro. D'accord. Donc forcément, qui marquent moins de points. Elles sont donc pénalisées, soit si on les regarde pas, c'est soit parce qu'elles nous intéressent pas, mm-hmm. ou on les trouve mauvaises. Donc du coup, zéro point. D'accord, ok. Et il y a des séries du coup qui ont pâti de ça. Il y a des séries qui sont regardées par peu de personnes dans l'équipe et qui du coup ont un classement assez faible chez nous, alors qu'il est beaucoup plus haut chez les auditeurs par exemple. Allez, la dernière, donc, qui a été classée pire série de l'année à la question quelles étaient les plus mauvaises. Donc les lecteurs l'ont classée plus mauvaise série de la saison. 4 personnes parmi nous l'ont classée en dernière place de leur classement. Papa Powers. C'est The Walking Dead qui fermera le classement pour cette année. Donc on en a parlé en long, en large et en travers dans le bilan. Est-ce que c'est vraiment une surprise que Legends non. fasse c'est dernier une quiche. C'est un plagiat, c'est un scandale. Donc 12 points pour Legends of Tomorrow. C'est encore pire. Ça changeait. C'est encore pire. C'est bien pour sa gueule, ça lui apprendra à plagier Doctor Who. Et c'est pas reparti, allez. Comme ça c'est dit, vous écouterez notre bilan hein, si vous voulez entendre plus parler de cette série. Voilà, beaucoup pensaient à Powers pour la dernière place, ben non. La saison qui se classe 19e pour cette année avec 16 points, donc c'est pas. Ah non, 15 points, excusez-moi, c'est pas beaucoup plus brillant. C'est Heroes Reborn. Il aura bien cherché aussi, tiens. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on n'a pas aimé, donc on va pas s'attarder dessus. Plus on montrera, plus on parlera des séries. Mais là, ouais, Heroes Reborn, voilà. Legends of Tomorrow, c'était du foutage de gueule. Heroes Reborn, c'est vraiment une grosse déception. C'est C'est le retour, genre je tente de décoller, c'est comme un mauvais essai de lancer de fusée, tu sais. Ça commence bien et puis ensuite ça se casse la gueule, mais genre direct. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Heroes Reborn a été classé dernière à la question quelles sont les 5 séries préférées sur le site. Voilà. Et elle a été classée avant-dernière par Irish et par toi, Léo. Ah bah oui. Dans nos classements. Voilà, allez, on monte une place, on va arriver à la 18e place avec 16 points, donc c'est vraiment pas glorieux non plus, hein. Et c'est Lucifer. Ah bah tiens. Je l'ai pas vu, sûr. Voilà, donc on a quand même une belle trilogie de l'enfer hein, pour conclure le classement. Legends of Tomorrow, Heroes Reborn et Lucifer. Voilà les trois derniers, le pire du pire du pire. Elle devrait être foutue hors catégorie pour sa réplique sur la tombe de mort. On monte à la 17e place. Et on va trouver une de vos préférées. Avec 17 points, donc juste un point de plus que Lucifer. Une série qui a été classée, qui a été très mal classée par tout le monde hein, de toute façon. Arrow. C'est pas étonnant. Donc Arrow, c'est-à-dire que Arrow est devant Power et derrière Power. Oui, sûr, derrière Power, ouais. Et c'est surtout qu'il y a 2 ans, je crois que c'était le coup de cœur. Ouais, il y a 2 ans, c'était le coup de cœur. Ouais, il y avait Agents of S.H.I.E.L.D. qui était devant, mais Arrow était au coude à coude. Bon, c'était l'époque aussi, on avait quand même très peu de séries. Hein, ouais, mais quand même. On avait 4 hein, à l'époque. Hein. Oui, c'est sûr, mais bon, quand même, quoi. Mais ouais, c'est une belle dégringolade, Arrow. 17e sur cette saison, classé dernière ex aequo avec Legends of Tomorrow, hein, dans la question, quelles étaient les 5 plus mauvaises séries. Oh, putain, ça pique. Avec, je crois, 86% des personnes qui ont voté ont cliqué sur Arrow dans leur liste de 5. Ah ouais, quand même. Ça vous donne quand même voilà, une idée de la catastrophe que ça a pu être cette année. 16e avec 20 points. La voilà, Powers. Powers à laquelle j'ai quand même donné 6 points. Pas mal quand même. Pas mal. J'ai donné 6 points et les auditeurs du coup ont donné 14. Donc ça veut dire qu'elle se situe dans le ventre mou du classement pour un peu tout le monde. Mais comme je suis le seul à avoir regardé et que personne d'autre n'a regardé de points dans l'équipe, voilà, ça explique aussi la 16e place. Powers, je suis en pleine saison 2, j'ai vu 5 épisodes pour le moment. Les 2 premiers épisodes font une belle transition, je trouve, entre la qualité de la première saison et la qualité qu'on nous offre après. Voilà, c'est-à-dire qu'on a 2 épisodes qui sont entre deux, et à partir de l'épisode 3 de la saison 2, on a l'impression de regarder autre chose que ce qu'on a vu pendant une saison. Mais est-ce que c'est bien ? Oui. Ah. Voilà, contrairement à Gotham où j'ai dit c'est mieux, mais c'est pas encore bien, là, depuis 3 épisodes, c'est bien. Oui, mais donc, alors attends, je croyais que tu enlevais les séries qu'on n'avait pas vues en entière. C'est en cours, j'ai tout vu, mais c'est en cours de diffusion. Donc là, non, c'est bien. Depuis 3 épisodes, donc c'est pour ça que je l'ai mis en dessous des autres, parce que 3 épisodes, ça suffit pas à dire que voilà, ça mérite une bonne place. Mais on oublie les pouvoirs, on oublie les vols dégueulasses avec les câbles, on oublie plein de trucs, voilà, et on se ressent vraiment sur le casting de l'unité. Powers, l'unité qui enquête sur le meurtre de Retro Girl, il y a beaucoup de magouilles, on a un ton qui est très polar, très, voilà, on est en plein mystère, on mène plus une enquête plutôt qu'on regarde des gens se ridiculiser avec leur pouvoir. Donc, voilà, moi je suis ma foi bien content, et du coup voilà, j'en ai quand même regardé 3 à la suite. Hein. Quand même. Ouais, 3, 4, 5, je les ai enchaînés, donc voilà, il se passe des choses plutôt sympas, c'est pas mal. On retrouve beaucoup plus l'esprit du comics de Bendis que dans la saison 1. Mais on va pas s'attarder dessus, elle est que 16e, on verra l'année prochaine ce que ça donnera, une fois que vous l'aurez reprise. Non. 15e, avec 26 points, donc un petit saut dans le classement. Le 15e avec 26 points, c'est Fear the Walking Dead. C'est trop pour un que c'est surprenant. Une série de son statut, va. Oh, il y a pire, hein. Je trouve que Flash, limite, se va se classer derrière. Non, alors écoute, je suis bien d'accord dans la session, Elodie, mais faut peut-être pas pousser. Hein. Non, un spin-off dégueulasse. Et pourtant, je trouve ça, Fear the Walking Dead, je trouve que cette saison 2 est vraiment pas terrible. Ouais, bah la saison 1 déjà. Non, ouais, Fear the Walking Dead, la saison 2, c'est dur quoi. Franchement, même pas la commencer. Franchement, c'est très très très dur. Et alors que je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur dans le classement, il y a une série que j'avais mal classée, c'est The Strain, qui est en dessous de Powers. Ah. Voilà, j'avais mal actualisé le classement, The Strain est 16e, Powers 15e et Fear the Walking Dead 14e. Voilà. Donc oui, bon, on n'est pas... The Strain, voilà, plus personne ne la regarde, donc elle n'a vécu qu'avec des points des auditeurs. Et elle a réussi quand même à se classer 15e. Quand même. Il y a Guillermo del Toro qui serait content. Ouais. Les auditeurs qui ont donné 18 points, donc pareil, dans la bonne moyenne de leur classement. D'accord. Peut-être qu'on a tort de ne plus regarder. Non, ça ira. Donc du coup, Fear the Walking Dead est en 14e. Qui est 13e? 31 points. On est deux à l'avoir regardé. Personne ne doit savoir que je l'ai regardé, celle-ci. C'est Arnaud qui l'a noté dans son classement avec 4 points. C'est Ash versus Evil Dead. Quoi, voilà, ça? Alors, Ash versus Evil Dead. Bah, Arnaud, vas-y, je te laisse en parler, parce que du coup, tu l'as regardé. Bah, c'est l'adaptation des films Evil Dead. Comment? Non, c'est une suite plutôt, non? Oui, bah, c'est adapté des films. Il y a eu deux films, et c'est la suite, en fait, la série. Ouais, c'est des films des années 80, je crois. Ouais, voilà. Et il y a eu trois films, il me semble. Et là, donc, c'est la suite. Voilà. Sachant que pourquoi elle fait partie de ce classement, c'est parce qu'il y a une grosse saga en comics, Army of Darkness, qui est tirée de cet univers-là, et du coup, on a un vrai univers partagé. Qui fait le lien en plus entre les films et la série. Ouais, là, les comics font vraiment le lien entre tout ça. Et puis du coup, voilà, il y a eu la série, donc avec Bruce Campbell, hein, dans le rôle de Ash. C'est de la comédie, hein, clairement. Ah oui. Oui, c'est beaucoup tourné à la comédie. Hein. On est limite dans la parodie. Hein, déjà, Evil Dead 2, c'était un peu ça, quoi. Il y avait des scènes. Le 1 était vraiment tourné comme un film d'horreur, mais à partir du 2, oui, ils ont vraiment pris une veine plus comique, aller dans des trucs ridicules à la Scary Movie ou ce genre de choses, ou Scream. C'est pas ce genre d'humour, mais c'est beaucoup de l'humour, et gras, surtout avec le personnage de Bruce Campbell, avec Ash. Ouais. Moi j'ai pas trop aimé, hein. J'ai mis 4 points comme toi, hein. J'ai bien aimé, mais comparé à tout le reste, ça va. Voilà, ça va bien un moment, en fait. Bah, c'était sympa, mais j'avais 12 séries, il fallait bien choisir. Et... C'est ça. Je les ai regardés en marathon, moi je les ai tous enchaînés, en vitesse accélérée, puisque voilà, j'avais non plus envie de trop perdre de temps. Y a des fois, c'est un peu lourdingue, quoi. Bon, ça reste toujours dans la même continuité. Tu sens qu'ils veulent faire plaisir aux fans des films, parce qu'ils placent. Il y a plein de moments où il y a plein de moments où je sens qu'il y a un clin d'œil. J'ai pas vu les films du tout. Hein. J'ai regardé ça vraiment en dilettante. Vraiment, je suis arrivé, je dis allez hop, je vais essayer. Tu sens, il y a plein de scènes où ils font des clins d'œil. Ça se voit, quoi. C'est limite, ils te mettent un gyrophare pour te dire coucou. C'est comme ça vous rappelle les films. Mais bon, voilà, c'est. Et Lucy Lawless. Hein. Oui, elle est géniale. C'est vrai, il y a Lucy Lawless. Faut pas l'oublier. Voilà, donc Lucy Lawless et Bruce Campbell, ça fait 4 points chacun. Elle arrive au 12e, donc là on arrive dans le top 10 et certains s'inquiètent de savoir mais où sont ces séries de merde que je déteste, elles ne sont toujours pas arrivées. Et ben vous allez les attendre encore un petit moment. On arrive à la 12e place, Arnaud l'a noté et Léo l'a noté également, c'est Stanley's Lucky Man. Je n'ai pas terminé, donc je n'ai pas noté. Peux-tu nous dire deux mots de cette série, Léo? Je trouve que c'est une série sympathique. Enfin, bon, après, on dira les. Enfin, j'imagine que tu diras les classements de chacun après. Non, pas forcément. Ouais. Toi, tu lui as donné 6 points, donc tu l'as mis en quatrième position. Je l'ai mis en quatrième position devant d'autres séries, en tout cas, bon, que peut-être certains auraient mis plus haut, parce que j'ai trouvé ça vraiment juste parce que c'était une proposition différente, assez rafraîchissante dans le sens, et puis surtout parce que c'est britannique et puis parce qu'il y a James Nesbitt qui est super bien voilà, c'était plutôt cool comme série. Enfin, j'ai bien aimé. Après, bon. Parfois, c'est peut-être un peu longuet, il manque peut-être une ou deux propositions pour un peu donner de folie au truc, et le final est un peu termine un peu in medias res. Mais bon, j'attends de voir la saison 2 pour voir si, bah, une fois que ça fera un truc, un bon truc, voilà, en deux saisons, voire en trois saisons, selon la durée qu'il lui demande. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympathique et vraiment différent de plein d'autres propositions de série. Donc pour ça, je l'ai placé en haut. C'est sûr que c'est différent. Je vais regarder 3 épisodes, j'ai jamais réussi à mettre le 4e. A contrario, toi, Arnaud, tu lui as donné que 3 points, donc tu l'as classé 10e sur 12. Arnaud est déconnecté. Je suis revenu. Tu es revenu. Du coup, tu l'as classé, toi, 10e sur 12, Stanley. Ah oui. Ça t'a pas plu? Non. Enfin, c'était un peu chiant, quoi. C'était, comme tu l'avais dit, c'était très répétitif. Et puis, non, c'est vrai, c'est chiant, il se passe pas grand chose. J'ai vu combien d'épisodes? 7, je crois. Ouais. Sur 10. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous aviez une tolérance pour Stanley parce qu'on a tous démarré très tard, donc il y avait une tolérance pour cette série. Et puis, en 7 épisodes, Le plus intéressant qui est la mythologie de la série, cette histoire avec le bracelet qui lui confère une chance incroyable. En 7 épisodes, on n'en sait pas plus, à part que ça lui confère une chance exceptionnelle. Voilà. Et du coup, gens le cherchent. C'est ça. Du coup, moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'on n'a pas peur. Ils ont beaucoup axé sur l'enquête policière, en fait. Et en tant que tel, en tant qu'enquête policière, mener un fil rouge, etc. Enfin, autour de ça, c'était pas mal. Après, non, bien sûr, tu vois, je le redis, il manque 2-3 trucs pour vraiment donner de la folie, un peu d'enjeu, encore un peu plus dramatique, quoi. Mais je trouvais ça pas trop mal. James Nesbitt, il n'y a pas spécialement d'enjeu, en fait. Ça manque réellement d'enjeu pour le personnage. Et comme oui, disait Mathieu, on n'a pas peur pour lui. On sait qu'il a de la chance, il va s'en sortir. Oui, bon, après, ça t'intéresse pas de voir un mec en danger alors, sans y croire, parce que de toute façon... Il y a un problème, le problème majeur de cette enquête et tout ça, c'est que au début, on nous dit que la chance a un prix, qu'en général, s'il utilise sa chance, il y a quelqu'un qui peut en pâtir, en mourir, etc. Et ça disparaît juste après. Oui, et, il l'utilise une fois ou deux, mais après, ça disparaît. Et après, il peut utiliser sa chance autant qu'il veut. Alors que ses actions sont de plus en plus importantes et requièrent de plus en plus de chance. Au début, c'est des petites choses, et à la fin, et dans les derniers épisodes que j'ai vus, c'est carrément affronter la mort. Donc les conséquences doivent être encore plus importantes. Alors que pour des petites choses, il y a des grandes conséquences, et pour les grandes actions, il n'y a pas de conséquences. Donc c'est dommage, ils avaient commencé à explorer la mythologie dans les premiers épisodes, et ils l'ont abandonné par la suite, alors qu'ils auraient dû plutôt faire l'inverse. Ouais, il faudra attendre la saison 2 pour confirmer un peu cette. Ouais, écoute, je vais déjà essayer de voir si j'arrive à enclencher l'épisode 4, mais c'est franchement pas sûr. Hein. Petite note, dans cette série, joue le mec, enfin Sandy Lamamurti, qui joue Moin Nursurege dans Heroes Reborn, et quand même ça va mieux. Hein. Ah bon? Peut-être qu'il arrive à un moment où tu n'as pas vu ou tu dormais. Je l'ai pas vu non plus. Petit caméo de Salny dans le pilote aussi, voilà, pour la forme, oui, pour expliquer pourquoi il a mis son nom. Allez, on va passer à la 11e série qui est en 11e place, donc aux portes du top 10. Une série que je suis le seul à avoir notée et qui a été très très bien notée par les auditeurs, c'est Preacher. Preacher que j'ai mis, à qui j'ai mis 10 points, donc je l'ai mis 6e dans mon classement quand même. C'est la nouvelle série qui est sur AMC, si je ne me trompe pas, si je dis pas de conneries. Oui. En tout cas, elle est sur OCS. Voilà. AMC. Voilà comment je la regarde pour ma part. Avec Dominique Cooper dans le rôle du révérend Jesse Custer. C'est sans concession. C'est assez trash par moment. C'est plutôt drôle. Et c'est surtout hyper bien réalisé. C'est une réalisation de grande qualité, comme AMC sait le faire sur certaines séries, et même sur The Walking Dead par moment, parce que ça, il y a quand même une des qualités de la série The Walking Dead, c'est aussi sa réalisation sur certains épisodes qui sont assez incroyables. C'est pareil sur Preacher, c'est super beau, c'est une vraie série de qualité. Après, je lui ai mis que 10 points, et c'est déjà beaucoup, dans le sens où c'est une série qui vient de débuter, on en est à 5 épisodes, donc j'allais pas la mettre au sommet, alors que Mais clairement, si on garde le rythme sur la fin de saison, l'année prochaine, c'est une série qui sera pas à la 11e place, hein, ça c'est sûr. C'est rien moins que Seth Rogen qui est réalisateur du pilote. Ouais. Ouais, il est producteur. Oui, quand même. Ouais, non, il y a de. Voilà, y a des moyens, il y a de l'ambition créative, et ça fait du bien dans un monde où les séries comics ne sont pas forcément toujours très soignées. Coucou Powers. Ça s'améliore. Ça reste par moments assez moche visuellement, mais Powers, on a passé, et elle est 15e, et c'est très bien. Allez, on entre dans le top 10 maintenant. Ouais. Ce qui veut dire, Léo, que Gotham est dans le top 10. Non. Bah si, on l'a pas cité encore. Oui, mais ça me choque quand même. Voilà. Et j'aime vous dire, Gotham n'est pas 10e. Elle n'est pas première non plus, hein, t'inquiète pas. Non, elle est pas première, mais voilà. Ni dans le top 3, je pense. Ouais, vous verrez. Alors, 10e, c'est une série de la CW, encore une, avec 35 points. Il s'agit d'iZombie. Ah, iZombie qui était plutôt bien classé par Arnaud, 7 points sur 12, donc tu l'as mis en 5e ou 6e position, et Irish l'a mis en 5e position aussi. Donc Arnaud, tu en as parlé avec Stéphane dans notre bilan de saison, vous en avez dit plutôt beaucoup de bien, ce qui m'a presque convaincu de la reprendre à partir de la moitié presque. De saison. Parce que du coup j'ai regardé quand même Ash vs Evil Dead avant, donc voilà. Ah, mais ça viendra. Ça viendra dans l'été, quand j'aurai le temps, je me mettrai peut-être un petit épisode de temps. Moi, j'aime pas dépasser les 20 minutes du pilote. Eh ben, tu as tort. Non, la première saison ambitieuse. La première saison, je l'avais bien aimée. La deuxième saison, je trouvais qu'elle s'endormait un petit peu. Et puis, voilà, Stéphane et Arnaud, dans leur argumentaire, m'ont convaincu que peut-être le final de saison valait le coup. Donc, il faut aussi, quand même. Il faut que je fasse l'effort d'aller jusque-là. Moi, c'est surtout ce que vous avez dit sur le final qui m'a... C'est parce que le final relance toutes les cartes pour la saison 3. Mais il y a des choses très intéressantes avant quand même. Donc on verra. En tout cas, elle est dixième. Et je, franchement, je pensais pas qu'elle arriverait à ce classement-là. Bah moi, la chose qui me fait peur, c'est qu'on a toujours pas cité Supergirl non plus. Hein. Non, on n'a toujours pas cité Supergirl non plus. C'est dingue. Qui est-ce qui se classe devant iZombie avec juste un point de plus et donc en neuvième position avec notamment un très joli 21 points de la part des auditeurs. 7 points de ma part, 7 points de la part de Léo, Gotham. Wouhou ! Super ! Gotham 9ème, donc Léo n'a pas mis en premier. Parce que Léo a regardé 9 séries, il a donc trouvé 2 séries meilleures que Gotham cette année. attendez les mecs, c'est pas non plus ma série. Il y a Jessica Jones, il y avait David Tennant dedans, c'est forcément la première. Attends de voir. Voilà, moi je l'ai mis 7ème sur 15, donc c'est-à-dire une bonne 8ème position. Parce qu'une grosse amélioration, c'est mieux, mais c'est pas bien. je l'ai bien dit, voilà, c'est mieux, mais c'est pas bien. Mais encore une fois, ça fait partie de ces séries qu'on soigne aussi visuellement et dont on soigne l'ambiance et l'esthétique, et ça fait un peu de bien quand même. Et puis quand même, c'est bien. Enfin, alors, je partage pas tous les choix esthétiques, hein, notamment le Victor Fries, sa première apparition, je partage pas. Non, c'est ça, d'accord. Mais voilà, enfin, on en a parlé tous les deux, Léo, dans le bilan, on n'a pas été d'accord sur beaucoup de choses. Mais on est d'accord sur le fait que la qualité, voilà, elle est un peu quand même là. La qualité, c'est terminé. Non, j'ai pas dit qu'elle était là. J'ai dit qu'elle avait augmenté. Je te ferais cracher. Non. Je te dirais pas. Je dirais peut-être que Gotham est bien en troisième saison si vraiment Gotham devient bien. Pour le moment, c'est pas le cas. C'est juste mieux et c'est déjà pas mal. Et ben, je continue à suivre. Ça sera bien quand David Mazouz arrêtera peut-être de jouer. Ou commencera. Enfin, peu importe. Mais voilà. Voilà, sachant que David Mazouz va donc jouer deux personnages en saison 3, c'est quand même... Deux personnages. Oui, deux personnages. Il va nous faire une Tatiana Maslany, donc... Mais pourquoi ils ont trouvé un Bruce Beef? Tu regardes et tu fermes ta gueule. Je vais aller lire un article plutôt. Tu regardes le final, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui lisent les comics, Lincoln March semble être arrivé. Oh non. Sérieux? Ouais. Ah, il va reprendre Clément. Ils vont mettre la cour des hiboux. Bah, ça fait longtemps que c'est dit, hein. Ah, je savais pas. Regardez. Non, j'ai eu la flemme. Voilà. Vous savez mettre vos épisodes, regardez quelque chose de bien, en plus, plutôt que de vous paumer dans, je sais pas quoi, dans Arrow, par exemple. T'as regardé Arrow toute la saison et tu regardes pas Gotham, tu te fous de ma gueule, Clément? J'ai pas envie de voir qu'ils insultent la mythologie de Batman. Bon, je vais pas recommencer mon argumentaire par rapport à ça. Non, on va pas le faire. Je vais écouter mes podcasts. C'est mieux. Bon, allez, où est-ce que ça joue un peu d'avoir une petite dédicace des acteurs? Ah oui, parce que vous avez, du coup, vous êtes rendu à Monte Carlo et du coup, vous avez croisé des acteurs. Croisé le pingouin, Alfred et... Juste moi, j'aurais demandé de faire une petite vidéo personnalisée pour Léo comme cadeau. C'est pas vrai. Je suis là pour témoigner que ces vidéos sont très cool. Je te remercie encore, Elodie. Parce que... Ouais, de rien, c'est que ça m'a fait vraiment très plaisir de les faire. Ah, mais j'imagine. Ça lui fait tellement plaisir de les voir en plus et de leur parler, de voilà, ces acteurs de cette série qu'elle aime tant. Elle avait que ça à leur dire, de toute façon. Bah, j'avais pas grand chose à leur dire, en effet, donc tu vois, je leur ai demandé. Donc tu leur as demandé des vidéos pour Léo. Et même l'acteur qui joue Nigma a carrément pris mon téléphone, s'est mis en selfie et l'a fait lui-même. Il voulait pas que je tienne le téléphone, il a voulu le prendre et se mettre lui-même en selfie. Tu te rends compte tout ce qu'il a fait pour toi, Léo? Il a touché le téléphone de Elodie, donc tu veux le téléphone maintenant. Bah, il a même souhaité bonne chance pour ses examens. En même temps, vu l'acteur, je veux bien le téléphone aussi. Hein. Non, je vais garder mon téléphone, ça me dérange pas. Voilà, est-ce qu'il est quand même... Il est moins dégueulasse qu'Enigma, on est d'accord? Oui. Non, mais il ressemble quand même vachement, je pense. Ah, il suffit de regarder des photos en dehors. Ouais, il lui ressemble peut-être un peu plus, parce que c'est vrai qu'en saison 2, ils ont un peu changé son look, il est un peu plus propre, on va dire. Ah bon. Mais ça a bien changé sa coupe de cheveux, surtout. Ou un petit peu. Enfin, saison 1, les cheveux sont un peu plus secs. Le pingouin est, en vrai, c'est moins ressemblant que dans la série, normal. J'espère pour lui qu'il se promène pas comme ça, effectivement. Il ne marche pas comme ça non plus. Non, puis même la coiffure avec le petit, la petite mèche pointue, là. Oui, voilà, ça non plus. Bien huileuse, lui aussi. C'est Alfred qui a l'air vraiment mastoc. Enfin, il a l'air vraiment armoire à glace, non? Armoire à glace, peut-être pas, mais oui, il a une présence. Il a l'air bien costaud. Ouais. Traduction, Elodie a été charmée. Alors là, pas vraiment. Elle est plus Stéphane Hamel. Hein. Ouais, mais il était pas là. À la même soirée, j'ai parlé avec Jack Falahe, donc autant vous dire qu'il n'y a pas de putain. Dame, tu es jeune. Bon, non, parce que non, mais moi oui, mais je comprends, hein, je comprends. Allez, on continue d'égrener notre top. On va arriver dans les 8 meilleures séries de la saison du classement quand même. Mine de rien. Et Gotham n'est pas dedans. Donc, rappelons que Gotham est 9e. Mais Supergirl y est, donc moi j'ai peur. Et Supergirl est dans ce top 8. 8e avec 39 points, dont 9 de ma part, ce qui est quand même pas mal. Et oui, c'est elle, c'est Supergirl. Ouh, devant Gotham, putain. Supergirl est juste devant Gotham. 8e place, Arnaud lui a donné 5 points. Et oui. Et moi, je lui ai donné je ne sais plus combien. C'est-à-dire que pour Arnaud, elle est devant Fear the Walking Dead, devant Ash vs Evil Dead, devant Stanley Luckyman et devant une autre qui arrive plus haut dans le classement. Donc quand même. Comme quoi. Supergirl, 8e, qui... Mais en dessous d'Ai Zombie. Et en dessous d'Ai Zombie, c'est vrai que tu lui as donné 7 points. Supergirl 8e qui récolte un petit peu les lauriers de sa deuxième partie de saison bien plus réussie que son lancement. C'est clair. Voilà, parce que Clément, elle a quand même réussi à te convaincre cette série de la voir en marathon. Tu l'as quand même enchaîné en disant entre chaque épisode « Ah, mais ça devient bien, en fait !»« Ah, ouais, mais, non, mais, c'est... Ah mais c'est cool, dis donc !» Eh ouais. Ouais, ouais. Je sais même plus combien je l'ai... Tu lui as mis 4 points. Ouais, donc... Donc sur 9, dans ton milieu de classement. Ouais, donc normal. Je lui ferai pas, voilà, elle est au-dessus juste au-dessus d'Heroes Reborn, mais bon, dans ton classement en tout cas. Ouais, mais en même temps, il y a quand même des très mauvais épisodes, on va parfois. Ouais, il y en a quand même un ou deux, voilà, encore une fois, on vous invite à réécouter le bilan de cette saison 1, puisqu'il y a un bilan pour cette série. Voilà, on a été très partagé sur certaines choses, mais en tout cas, voilà. Bonne surprise. Le départ et l'arrivée sont merdiques, mais le voyage entre les deux était plutôt sympa. Totalement. Pas forcément de grande qualité, mais plaisant. C'est ça. Voilà, moi j'ai pris plaisir à me laisser porter toute l'année par Supergirl. Voilà. Bah, je comprends, Mélissa Benoît. Petite croisière tranquille, Mélissa Benoît qui a appris à porter le costume au fur et à mesure de la saison, qui est beaucoup plus à l'aise avec, voilà. Bien. Maintenant, il faut se débarrasser de Jimmy. Non, de James, il aime pas qu'on dise Jimmy. Oui, bah écoute, tant pis pour lui, ça sera Jimmy. Et puis on va découvrir Tyler O'Klein en Superman la saison prochaine. Oh, pitié. C'est vrai, j'avais oublié. Donc Supergirl qui est la deuxième série du CWverse, troisième série du CWverse à être dans ce classement, avec Legends of Tomorrow 20e, Arrow 17e, Supergirl 8e. Donc pour le moment... Pour le moment, on peut peut-être tirer un premier renseignement, c'est que les séries DC sont toutes classées en dessous des séries Marvel. Il n'en reste plus qu'une de séries DC, c'est The Flash. Ouais. Je comprends pas qu'elle soit si haut d'ailleurs. Excusez-moi. Alors, on n'a pas classé une seule série Marvel encore. Ce qui veut tout dire. On arrive dans les séries. Donc voilà, on peut le dire cette saison, Marvel a tué le game. Ça c'est clair. De loin. On va pas parler des séries et comment on les a classées, les autres pour le moment en tout cas, mais on peut s'arrêter deux secondes, voilà, pour faire cette comparaison Marvel DC et se rendre compte que voilà quoi. Bah Marvel surpasse DC au cinéma et à la télé. Non, je suis totalement d'accord avec Clément. Là-dessus. C'est ce qu'Elodie m'a envoyé par message. là concrètement, oui, c'est le cas. Voilà. Après, au cinéma, il y a peut-être plus débat, puisque certains sont vraiment fans de l'univers DC cinématographique. Oui, mais après, je le dis en termes alors que l'univers DC télé semble quand même susciter un rejet. Quoi. Legend of Tomorrow 20e, ouais. Arrow 17e, ça veut quand même dire quelque chose. Enfin, je veux dire, parle de succès en termes de cohérence. Disons qu'ils savent très bien où ils vont. Il y a un truc. Enfin, voilà, il y a une continuité, une logique derrière. Comment ? Tu parles des séries DC ou des séries Marvel quand tu dis ça ? Non, moi je te parle de Marvel au cinéma et à la télé. D'accord. Enfin, tu sens que c'est un bloc, c'est... un bloc. Pas un bloc, je sais pas, mais. Que Agents of S.H.I.E.L.D. existe dans. Voilà, c'est ça. Puisqu'on est en train de comparer DC et Marvel, moi je veux quand même reconnaître une chose aux séries DC, au CW, au Berlantiverse, CWverse, appelez-le comme vous voulez. On a 4 séries. Oui, ces séries sont dans le même univers. Elles interagissent tous les ans. Oui. Moi j'attends toujours de voir Agents of S.H.I.E.L.D. interagir vraiment avec les films. Oui, et Daredevil et Jessica Jones, qui font aussi leur vie de leur côté, qui sont soi-disant dans le même univers, bah, j'attends toujours aussi qu'ils interagissent. Non, surtout que non, mais ça a été dit dès le départ. Oui, non, mais je suis d'accord. Alors que Marvel n'arrête pas de répéter que ça fait partie du même univers. Elles sont sur la même chaîne. Pas Supergirl, et pourtant ils ont quand même réussi. Supergirl, maintenant, elles sont sur la même chaîne. Jessica Jones et Daredevil ont interagi l'une avec l'autre. Oui, il y a un personnage, effectivement, d'une des deux séries qui est allé dans l'autre. Mais ça reste quand même. Daredevil. Il y a eu deux personnages. Oui, deux. Ouh là là. Oui, mais Daredevil, le mot Daredevil, l'existence de Daredevil n'est jamais reconnue dans Jessica Jones. Oui. Alors qu'il y a quand même un mec qui s'est trimballé en costume rouge, qui a fait la une des journaux, et Jessica Jones n'en parle jamais. La seule chose qu'ils sont capables de nous coller, c'est la bataille de New York. Les mecs, la bataille de New York, c'était il y a 4 ans maintenant. Faut passer à autre chose. Il s'est passé d'autres choses dans l'univers depuis. Et on n'est pas capable de creuser plus l'univers partagé. Et moi, ça m'emmerde. Oui, non, mais je suis d'accord. Après, je veux dire, voilà, en termes de réussite... Après, voilà, si on parle des qualités elles-mêmes des séries, bah oui, évidemment. Oui, voilà, je parle plus en termes de qualité. Après, c'est vrai que ce qui est le web, voilà, CW fait son propre univers et ils ont le mérite de faire ça, ce que ne fait pas Marvel. Mais maintenant, en termes de réussite, Marvel est largement supérieur. Donc là, on a un vrai enjeu la saison prochaine, maintenant, hein, puisque les séries Netflix de Marvel vont passer la seconde, hein, avec l'arrivée notamment de Luke Cage. Donc on va se retrouver à 3 séries sur Netflix. Agents of S.H.I.E.L.D. va aussi continuer. On va voir ce qu'elle va devenir à la fin de la saison prochaine. Parce qu'on est peut-être à la fin d'un cycle là aussi. Oui. Donc oh là, oui. Voilà, on va voir ce que va devenir le S.H.I.E.L.D., ce que va devenir tout ça. Et on va voir ce que vont devenir les 4 séries maintenant qu'elles sont sur la même chaîne et qu'ils devraient pouvoir jouer un petit peu plus du côté de la CW. Je pense que cette année, ils vont pousser les interactions assez fort. Espérons. Notamment avec ce qui s'est passé à la fin de The Flash, qui peut être un bon moyen de relancer les deux autres et de pousser Supergirl dans son sillage. Puis un petit peu améliorer les Jones of Tomorrow, ce qui n'est pas dur. Ah bah oui, de toute façon, les Jones of Tomorrow ne pourraient pas faire pire en classement la saison prochaine. Ah bah non. Mais si à partir du moment où la saison passera... Ça ferait du bien. La question, c'est qui va continuer les Jones of Tomorrow l'année prochaine. Je vais pas terminer la saison. Moi, j'avais répondu oui, hein. J'avais répondu j'irai voir, parce que on nous a prononcé quelques mots en fin de saison. Voilà, je me suis fait avoir par le cliff un petit peu. Et puis... Moi aussi, je continuerai, juste pour me marrer. Alors, moi, je n'ai pas vu au-delà de 3 épisodes, mais on m'a dit que le seul personnage pour moi qui valait le coup dans la série mourait déjà dans la saison 1. Donc, on va même pas Alors. Il valait le coup au début, un peu moins sur la fin, je peux te dire. Ah oui, bon, surtout qu'on lui impose comme truc, comme intrigue, c'est vraiment de la merde. On va pas se mentir, c'est... Non, mais voilà. On va pas revenir sur les jazz, hein. Voilà. Question subsidiaire, il est sympa parce que tu as vu aussi Victor Garber à Monte Carlo. il faut savoir que Victor Garber tourne dans Les Gens of Tomorrow seulement pour l'argent. Visiblement, c'est ce qu'il a dit. Ah ouais? Exactement, il déteste les séries de super-héros, il n'aime pas les super-héros, il n'a aucun super-héros préféré. Mais il faut vivre. Voilà, exactement. Mais vous saurez tout ça quand vous écouterez son interview. Voilà, donc dans l'été, hein, on vous mettra tout ça. La première à arriver, si je ne me trompe pas, c'est celle qui concerne Flash. Exactement, puisque Flash sera diffusée, la saison 2 de Flash sera diffusée sur TF1 le 11 juillet, à partir du 11 juillet. Donc vous aurez du son à écouter autour de cette date. Voilà. Bon, bah voilà, série DC, voilà, ils ont pris une petite claque par Marvel cette saison. Il nous reste sept séries à égrener. Je vous propose de passer à la septième, celle qui classe septième et qui fait, à mon sens, une énorme performance en se classant septième alors qu'elle n'en est qu'au quatrième épisode. C'est Outcast. Outcast qui, clairement, est mon gros, gros coup de cœur de cette fin d'année. J'ai été mis sur le cul par l'adaptation, par la qualité visuelle de la réalisation, par le jeu plutôt convaincant des acteurs. La fidélité au support est incroyable. Le pilote, c'est du case par case. J'aurais pu lire le premier numéro du comics, c'était ce qui se passait sous mes yeux. Limite, les répliques sont les mêmes. C'est incroyable. Et pourtant, je ne me suis pas emmerdé une seconde, alors que je le connaissais déjà presque par cœur, parce que j'ai lu au moins 3 fois ce comics-là. Donc voilà, moi c'est ma grosse claque, je lui ai mis 11 points sur 15, donc en 5e position, parce qu'elle n'a que 4 épisodes et que je pouvais pas la mettre devant décemment. Et toi Arnaud, sur 12, tu l'as mis 8e, donc 5e position aussi. Bah oui, moi je l'ai adoré. Comme toi, j'avais lu le comics, moi j'avais plus énormément de souvenirs, mais pareil, j'étais pris dedans dès les premières minutes. Il y a une ambiance particulière qui te happe, et j'ai adoré tout le casting, l'ambiance, l'intrigue, même si beaucoup reprochent qu'il se passe pas énormément de choses ou qu'on nous l'a vendu comme de l'horreur et que ça fait pas peur. Hein. C'est pas que ça l'horreur. Hein. Et même la série est bien plus que juste une série d'horreur. Si vous voulez avoir peur, il y a autre chose. C'est moins intelligent, moins bien fait, mais vous avez votre compte. Là, il y a autre chose. Il y a un vrai mystère autour des personnages. Il y a des choses hyper intéressantes sur leur passé, des vraies énigmes, des relations entre personnages qui sont bien écrites, et il y en a pas mal qui devraient s'en inspirer. Voilà, Robert Kirkman nous signe encore quelque chose de grand. Parce que Walking Dead en comics, c'est quand même grand. En comics. Il est pas très impliqué dans la série. Dans la série, il est moins impliqué, mais c'est en même temps ce que nous a proposé la saison 6 cette année. Voilà, on en est à la 7ème place, on n'a toujours pas parlé de The Walking Dead, alors que soi-disant, tout le monde déteste. Donc il y a un moment, voilà, le fait qu'elle soit pas arrivée, ça veut dire quelque chose aussi. Pour Outcast, elle est classée 4ème par les auditeurs, avec 30 points. Leur maximum. Ouais, c'est quand même énorme. Leur maximum de points aurait été 40 pour les auditeurs. Ils avaient 40 points pour s'ils avaient été d'accord en mettant tous la première série ensemble. Voilà, 30 points pour Outcast, 4ème, avec 4 épisodes encore une fois. Donc c'est vraiment la série qui met tout le monde d'accord. Donc allez la regarder si c'est allez, pas fait. Allez la regarder, vraiment. Ça passe sur OCS pour ceux qui ont OCS en France. Voilà, ça vous fait un moyen légal de la voir. Bah, si vous avez des cousins américains, et ben voilà, demandez à vos cousins. En tout cas, regardez Outcast et lisez le comics à Outcast, parce que vraiment les deux sont très fidèles. L'adaptation est très fidèle au support original. Et si l'adaptation est aussi réussie en étant fidèle, c'est que le support original est bon et qu'il est très très bien écrit. Vraiment. Donc, ça sort chez Delcourt dans des beaux bouquins en plus. Enfin, voilà. Outcast, 7ème de cette saison avec un beau 49 points. Un 49-3, tu dis ? 49, voilà. Ah non, un 49. Le 49-3, c'est ce qu'Elodie aurait voulu faire pour mettre sa série fétiche en première place disposition, mais elle arrive 6ème, c'est bien sûr The Walking Dead. Oh, quelle déception, Flash est devant The Walking Dead, c'est pas possible. Non, mais c'est déjà trop haut pour Walking Dead. Donc The Walking Dead est 6ème avec la note maximale d'Elodie qu'il a mis au sommet de son classement. Oh non. Elle y a bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Cette saison-ci, c'était juste magnifique. Arrêtez sur ce deuxième part de saison. Ah bah oui, alors, surtout ce final. Sauf la deuxième part. Non, bah moi, je suis désolée, ce final était grandiose. Pour moi, il a. Oh non, c'est une insulte. Pour moi, je suis d'accord avec Elodie, le final est incroyable, sauf les deux dernières minutes. Mais même les deux dernières minutes, moi finir sur un cliffhanger comme ça, c'est pour ça que j'adore les séries. Mais pour le moment, pour le moment, j'avais dit, hein, si le suspense est tenu jusqu'à la saison prochaine, même le final deviendra incroyable pour moi parce qu'ils auront réussi à garder leur secret, ce dont je ne suis encore pas sûr. Mais pour le moment, c'est bien engagé. Tu donnes beaucoup de crédit à l'équipe de Walking Dead, à mon sens. Bah, en tout cas, pour l'instant, rien n'a été révélé, donc on verra bien. Rien n'a été révélé et ça va dans le bon sens. Il s'est dit qu'ils vont tourner plusieurs. Bah, c'est fait. Hein. Ils ont tourné la mort de tous les personnages, comme ça. Comme ça, pas moyen. Je suis prêt à parier que vous serez déçu par la saison finale. Mais moi, je serais peut-être déçu par le premier épisode de la saison 7. En attendant, moi, le final de la saison 6. Peut-être qu'on sera déçu par la personne qui meurt parce que pas d'ambition, peut-être que. Mais en tout cas, mais moi, le final de la saison 6 était génial, comme voilà. Toute cette deuxième partie de saison que j'ai trouvé vraiment grandiose. Je pense d'accord. Que j'ai été vraiment la meilleure saison pour moi. Voilà. J'ai été bluffé par cette deuxième moitié de saison qui a été, je l'avais dit au moment du bilan, la meilleure moitié de saison depuis le début de la série. Bon, on est d'accord. J'avais dit qu'on pouvait pas faire pire. Hein. Irish a donné 8 points sur 11 séries classées, donc il a classé en 4ème. Pour ma part, je lui ai donné 8 points également sur 15, donc je l'ai classé dans la première moitié de mon tableau quand même. Voilà. Ouais. Et bah moi avant-dernier. Et toi tu l'as classé avant-dernier avec 2 points. Voilà, j'allais y venir. Quand j'ai dit m'a dit Arnaud qu'à un moment tu trouvais quand même que cette saison était quand même très bien. Hein, mais vous... La première partie, oui. Alors que ouais, moi c'est plutôt la deuxième. Les auditeurs avaient 25 à la 6ème. Pour info, 25 points des auditeurs, pour un total donc de 53 points. Donc à partir de maintenant, toutes les séries auront plus que la moyenne, entre guillemets, parce que le score maximal était de 106. Donc ce qui veut dire, grosso modo, si c'est seulement à partir de la série classée 6ème qu'on atteint la moyenne, ça veut peut-être dire que cette saison a été décevante, non ? Le reste va nous le dire. Allez. Parce que on a quand même 15 séries qui ont moins que la moitié des points possibles. Et c'est quand même ouais. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire que les 5 séries qui sont devant, là, ont concentré beaucoup, beaucoup de points, alors que les autres sont derrière. Donc il y a peut-être quand même une déception sur l'année, globale. Avec 20 séries, quand il y en a 5 qui s'en sortent, c'est pas, c'est pas glorieux. Dans l'ensemble, c'est assez vrai. C'est pas glorieux, quoi. Ah, et c'est, oui. C'est un peu ce qu'on retient de cette saison. On est quand même très mitigé. À part deux ou trois pépites, deux ou trois coups de cœur, à Outcast pour moi, comme je viens de le dire, et puis ce dont on va parler maintenant, on a quand même une saison globalement décevante. Ah ouais, non, mais complètement. Hein, c'est... Legends of Tomorrow qui nous avait overhypé avec un trailer, rappelez-vous le premier trailer. Oui, c'est bien, ouais. Et rappelez-vous ce qu'on a eu. Ces enfoirés. Oui, non, mais c'est ça. Et... Ces enfoirés. Oh, on sait, c'est un bel exemple pour eux. C'est un bel exemple qu'on pourrait montrer dans les écoles de cinéma. Toute la force du montage par rapport au... Tout ce qu'il ne faut pas faire. La force du montage d'une bande-annonce, c'est comment tu arrives à entuber les gens et à les faire aller voir un film alors que le film est daubé à la base, mais qu'ils ont fait un super trailer. Non, c'est le pouvoir du montage. Tu prends même, tu prends du côté de Arrow, on pouvait se dire qu'ils pouvaient pas faire pire que la saison 3. Et bah, c'était ils ont... mal les connaître. Et bah, ouais, c'est ça. Mal les connaître, effectivement. Et bah, ils ont fait pire. Donc, on va voir ce que donnera, effectivement, ça. Legends of Tomorrow, c'était quand même, c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire, tu vois. Les personnages, les cliffhangers, les plagiats, la bande-annonce minable, il y a tout qui est foireux dans Legends of Tomorrow. Il y a Heroes Reborn, c'est le revival foiré, mais alors complètement, sauf deux épisodes. Il y a quelques spin-offs, style Fear the Walking Dead, par exemple, Non, il y a quelques séries qui l'auront cherché, quoi. J'ai quand même une question à vous poser. Qu'est-ce qui, à votre avis, déclenche, en dehors de la qualité de certaines séries, qui est quand même absolument abominable, mais il y en a d'autres qui sont tout à fait honnêtes, mais qui pourtant, qu'est-ce qui déclenche cette déception? Est-ce que c'est pas le trop grand nombre de séries? Parce qu'on en est déjà à 20. Mais je pense que il y a tellement de séries du genre, qu'on devient plus exigeant et que s'il y a des pépites qui ressortent parmi le lot, bah forcément on va se baser sur ça et on va avoir un degré d'exigence plus inférieur. On n'a pas la même exigence qu'on pouvait avoir, on va dire il y a 2-3 ans quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de séries de super-héros. Oui. Maintenant, adaptation de comics, des vraies séries avec des super-héros, il y en a 1, 2, 3. Oui, mais il y a trop de super-héros et trop de zombies. Il n'y a pas que les séries adaptées de comics. Alors, il y a beaucoup de zombies. Il y a eu la mode des vampires aussi à un moment. Bah oui, on a une marre. Hein. Dans les 20 séries qu'on classe cette année, on a The Strain, Fear the Walking Dead, Ash vs Evil Dead, iZombie et The Walking Dead. On en a 5, un quart quoi. Ah, bah. Mais déjà, il faut arrêter les spin-offs. Hein, moi, plus les super-héros, dont on en a marre parce qu'on en voit aussi énormément au cinéma. Et puis sur une saison, c'est encore plus long puisque c'est vraiment toute l'année, sur 22 épisodes pour la plupart d'entre elles. Forcément qu'à un moment on y en a marre et puis on a l'impression de peut-être voir toujours la même chose aussi pour certaines séries, donc forcément que quand on finit par être déçu. Non, mais pourtant on a un podium qui se détache de très loin, vous le verrez, et ce ne sont que des séries super-héroïques. Oui, c'est pas étonnant, mais après il y a encore une fois il y a le syndrome Legends of Tomorrow, c'est-à-dire que comme ça a montré l'exact opposé de ce qu'on attendait, tout de suite ça a aussi un peu augmenté notre exigence. Déjà qu'on en avait par rapport aux saisons 2 ou saisons 3 de séries comme Flash, voire Agents of S.H.I.E.L.D., tout de suite, on commence à avoir des attentes un peu plus élevées. Et moi, je pense qu'on est un peu déçus. J'aurais peut-être une analyse, mais en pensant à autre chose, c'est même si c'est sur la télé, mais je pense qu'on peut peut-être trouver cette lassitude, on peut peut-être la trouver aussi au cinéma. C'est que c'est peut-être même le genre même, quoi, l'adaptation des comics, pas à outrance, mais qui a un degré tel ça risque de lasser. On a peut-être aussi cette même chose au cinéma pour certaines choses, sur un certain genre, on va dire sur un genre plus général, le blockbuster. Moi, je pense pas qu'en soi, il y en ait trop, parce que si on prend le nombre de séries policières qui sont diffusées à la télé, à mon avis, on est bien au-delà des... Il y a trop de spin-off. Voilà. Il y a beaucoup de séries adaptées, effectivement, mais peut-être qu'il y a trop de séries par rapport au public des lecteurs de comics, des amateurs de ce genre, etc. Oui. Peut-être que ça fait trop pour trop peu de personnes et que on n'y arrive plus, quoi. Mais justement, ces séries-là n'attirent pas que des lecteurs de comics. Celles qui arrivent en tête, en tout cas, oui, les autres. Legends of Tomorrow, Legends of Tomorrow, Arrow et compagnie. Enfin voilà, à la base c'était plutôt les lecteurs quand même qui. Ouais. C'est Legends of Tomorrow, c'est plus les. C'est comme c'est un spin-off, c'est plus les fans de Arrow et The Flash. Non, ça va être surtout les lecteurs. Il y a des séries, c'est surtout les lecteurs de comics parce bah, que. C'est pas pour rien qu'ils reprennent justement des personnages qu'on a non, déjà vu dans les autres vies. Alors que si vraiment ils avaient voulu attirer principalement le public de lecteurs, ils auraient mis des grands noms des comics connus des lecteurs. Alors que ils ont repris des personnages déjà vus avant. Pour ouais, mais enfin après tu prends des séries. Enfin je veux dire, tu prends, je sais pas, toutes les séries qui sont soit en bas ou, enfin bref, dans ce lot-là, t'as quand même des séries. Voilà, si t'es amateur de comics, que t'as une culture de comics relativement on va dire relativement riche, tu vas savoir que c'est tiré d'un comics, alors que et donc tu vas avoir tendance à les regarder. Oui, mais ça va pas forcément changer ton point de vue sur la qualité. Non, mais je veux dire, ça va pas forcément. Oui, ça, mais ça va pas forcément de. Il y a des séries, voilà, que tu vas pas forcément être poussé à aller voir. Bon, en tout cas, à cause de ces 15 séries que j'ai regardées cette année, j'en ai raté pas mal qui n'étaient pas des adaptations de comics et que je vais rattraper cet été. Voilà, c'est ça aussi. Il y a un moment, il y a aussi des gens qui font certainement un choix de continuer à regarder d'autres séries. Voilà. Bon, moi, pour les podcasts, je sacrifie, malheureusement, parce qu'il y a des trucs, voilà, c'est vraiment du sacrifice. Mais bon. Bah oui. Mais voilà, ça m'a pas empêché de suivre The Good Wife de la semaine à la semaine. Hein, voilà. On garde quand même nos petits chouchous. Autre chose qu'on peut peut-être souligner, c'est la bonne forme des séries indées. Ouais. The Walking Dead, c'est une série indé. Outcast, Preacher, voilà, pour ne citer qu'elles, qui sont quand même bien classées, dans le top 10 presque, enfin Preacher est 11e, mais voilà. Et peut-être que là, on a quelque chose aussi qui... Les chaînes du cap. On va aller chercher des comics indés sur des chaînes câblées, des choses comme ça, voilà, des choses un peu plus qualitatives, qu'on va un peu plus soigner. Oui. Voilà, il est peut-être là à l'avenir, il est peut-être pas dans le super-héros du côté des comics. Ah non, honnêtement, je suis persuadé que c'est... Je suis bien d'accord, je suis persuadé qu'au bout d'un moment, ça va être... Enfin, que ce soit au cinéma ou à la télé, au bout d'un moment, on va tellement créer d'adaptations de super-héros qu'au bout d'un moment, t'auras plus de demande, quoi. Les gens vont finir par être lassés. Ça va forcément arriver un jour ou l'autre. Allez, on verra ça. On va attaquer notre top 5. Il nous reste 5 séries à égrener. Elle est 5e avec juste 2 points de plus que The Walking Dead, donc 55 points. Sa vie s'est arrêtée. Hein. C'est à John Carter qui est donc à la 5e place. Ah ouais? Ouais. Elle méritait plus. Marvel's Agent Carter, 5e, qui est la série qui a été classée 3e par les auditeurs. Ah ouais? Et qui du coup souffre aussi du fait de ne pas avoir eu de points d'Irish, Léo et moi, puisque je ne l'ai pas terminé. Je l'ai beaucoup avancé cette saison, hein. Je suis pas très très loin de l'avoir terminé. Et si je l'avais noté sur ce que j'ai vu, évidemment, je l'aurais peut-être mis dans mes 5-6 meilleurs, parce que j'aime beaucoup ce que je vois pour le moment. Mais voilà, je l'ai pas terminé, j'ai joué le jeu, donc je lui ai pas mis de points, tout simplement. Voilà. Et du coup, elle aurait pas été sur le podium pour autant, hein, parce qu'à partir du podium, il y a un vrai écart qui se creuse. Mais voilà, elle aurait été quatrième. Cinquième, elle le mérite. Parce qu'il y avait vraiment, c'était vraiment une. La saison 2 était vraiment meilleure que la 1, même si la 1 était déjà sympa. Mais là, c'était vraiment une très bonne série. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis deuxième. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis. Pareil, je dirais pas mon. Toi, tu l'as mis cinquième. Ouais, c'est ça, voilà, je l'ai mis cinquième parce que ça me faisait chier de la mettre en dessous, quoi. D'ailleurs, Clément, qui a quand même. Voilà, c'est à souligner, Clément qui a donné le top 5. Quasiment dans l'ordre. Mais en tout cas, son top 5, c'est le vrai top 5. Voilà. Moi, j'ai le top 4 dans l'ordre, mais j'avais pas la cinquième parce que je l'ai pas regardé. Mais ouais, Clément a le top 5 presque dans l'ordre. Donc, à John Carter, 5e, un peu triste que ça s'arrête. Ouais, totalement, oui. Franchement, la fin, mais ça non, j'ai pas vu la fin. J'en suis à 3 épisodes, hein, donc j'en ai vu 7 pour le moment. Voilà, c'est très sympa. Et du coup, voilà, j'ai préféré regarder Ash vs Evil Dead pour voir un peu, parce qu'il y avait qu'une personne qui a regardé, c'était Arnaud, et du coup, je lui dis, allez, je vais me faire un petit marathon, ça m'a pris 3 heures. Et à John Carter, je voulais pas. Oui, parce que c'est des épisodes d'une demi-heure. Ouais, et puis en accéléré, du coup, il passe à 20 minutes même pas. Et du coup, voilà, à John Carter, parce que j'aime ce que je regarde, j'aime les 7 épisodes que j'ai vus, et j'en regarde à peu près un par semaine, voilà, je vais à un rythme, pas parce que j'ai envie de... Non, mais t'as raison. De faire profiter le plaisir, de faire durer le plaisir. C'est ça, non, et puis c'est aussi une série que j'ai envie de regarder quand j'ai envie de la voir, pas parce que j'ai un moment et que je dois regarder un truc. Voilà, je veux la savourer au maximum. Surtout que là, il me reste 3 épisodes, donc j'ai envie de voir ça dans un mois. Quand je l'ai décidé. Donc je pense la finir assez rapidement, effectivement, maintenant qu'il ne me reste plus qu'Outcast et Preacher et Powers en cours. Bah voilà, à John Carter va venir compléter le truc. Voilà, elle était donc quatrième, Peggy Carter, et j'ai envie de dire farewell, Peggy. Oui, tristesse. On arrive à la série qui est quatrième, qui échoue au bord du podium, et qui donc ne conservera pas son titre. C'était la série qui est arrivée première la saison dernière, c'est The Flash. Eh ben, je suis très heureuse que ce soit au moins pas dans le top 3. Hein. C'est The Flash qui échoue donc à la quatrième place et qui termine meilleure série DC dans ce classement. Logique. Avec 65 points, tout de même. Ah, quand même. Classé quatrième pour moi, classé cinquième pour Arnaud, quatrième pour Clément. Enfin, voilà, plus que ça. Hein. Tu peux citer pour moi si tu veux. Septième, Arnaud, oui. Septième Arnaud. Et toi, oui, Elodie, avant-dernière. Moi, je l'ai mis combien déjà Léo, tu lui as donné 4 points sur 9, donc sixième. Ouais, sixième. Bon, voilà. J'étais un peu surpris que Léo lui donne que 4 points sur 9 d'ailleurs, parce que tu avais l'air de plutôt avoir apprécié. Ouais, j'avais apprécié, mais bon. Il y a après, mieux, Mais bon, c'était pour mettre Gotham devant, quoi, je comprends. Non, c'est surtout Lucky Man qui l'a un peu tué, je pense, parce que j'ai mis. Oui, t'as mis Lucky Man 2 places devant elle, donc ça c'était un peu. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il lui a pris? Mais bon. J'ai failli mettre Supergirl avant. De toute façon, on sait, hein, Léo, c'est un peu. Quel point j'ai été déçu. Puisqu'on est sur. C'est quoi Bon, bah, The Flash, voilà, quatrième. Belle saison malgré tout, même si. Oui. En dessous de la première, parce qu'on n'a plus la surprise, parce qu'on a réutilisé les mêmes recettes et que ça nous a déçus. Parce qu'on nous a dévoilé la fin avant, putain. On a dévoilé aussi la fin avant. Bon. C'est parce que Candice peut être. Donc. En vrai, elle est très très jolie. Voilà. Mais même dans la série, elle est très jolie. Hein. Ouais, non, mais ça fait pas son talent. C'est clair. Joël, il est pas très joli. Non, elle est très très jolie. Donc, alors, elle était aussi à Monte Carlo, du coup. Et donc, qui était encore à Monte Carlo de la série? Daniel Panabaker. Daniel Panabaker, qui, elle, par contre, Il paraît que c'est une garce. Garce, j'avance pour la série amabilité. Elle est aussi froide que Killer Frost. les deux, par contre, n'ont pas été très gentils, je crois. Candice Patton, elle a tout de la bitch sur son visage. Alors, tu vois, beaucoup moins que Daniel Panabaker. Alors que moi, tu vois, je pensais avec son visage, Daniel Panabaker, je la voyais comme quelqu'un. Et bah, c'est l'inverse. Plutôt douce. Ah, d'accord. Clairement. Tu l'as pas vu dans le film The Ward. Dans The Ward, elle joue une garce et. Essaye de ne pas trop évoquer le mot Ward en présence d'Elodie parce que. Allez, à ce point. Qu'est-ce que vous me sentez normal? La réputation qu'on lui fait. Tandis que Patton est plus sympa que Daniel Panabaker, hein, faut être franche. D'accord. Ensuite, elle sait pas jouer, donc faut bien qu'elle soit gentille. Hein. Les deux, je trouve, n'ont pas été très sympas avec les gens qui attendaient toute la journée derrière des barrières pour avoir une photo ou un autographe. Elles ont ignoré tout le public, vraiment. Mm-hmm. Genre, ça, pour le coup, je trouvais ça pas très très cool de leur part, alors que tout le monde s'est prêté au jeu, tous les acteurs américains qui étaient là-bas se sont prêtés au jeu. Et Daniel Panabaker fait en effet des réponses beaucoup plus courtes que Candice Patton, donc c'est vraiment pas une bonne prise. Elle a décidé d'être là, quoi. Elle était, enfin, tu vois, c'est pas comme si elle te disait oui, non, c'était pas que ça, tu vois, mais en effet, elle te faisait des réponses hyper succinctes. Voilà, tu sentais qu'elle voulait pas développer plus que ça, mais sans que ça soit froid ou méchant, enfin, c'était pas des réponses non plus. Elle avait le sourire, etc. Mais. J'utilisais son américaine en tournée presse, quoi. Le minimum syndical pour parler de sa série, mais. Exactement. Voilà. Donc The Flash, donc 65 points, 10 points de plus que John Carter qui est juste derrière. Donc on voit que là, ça y est, on commence à avoir des gros bonds de points entre les séries. 26 points par les auditeurs, c'est-à-dire moins qu'à Outcast, moins qu'à John Carter, et juste un point de plus que Walking Dead. Wow. Comme quoi. Donc sacrée chute. Hein. Donc ouais, il y avait quand même une belle chute, alors que l'année dernière, vraiment, au niveau des auditeurs, le vote avait été plutôt unanime. Hein. C'était The Flash et Daredevil qui étaient devant et d'assez loin, et The Flash avait passé une courte tête devant Daredevil, ben voilà. The Flash a perdu sa place, on verra qui a récupéré la couronne. On va rentrer sur le podium, et du coup, on a un podium de série Marvel. Comme par hasard. Puisqu'il ne nous reste plus qu'à parler de Jessica Jones, de Daredevil et d'Agents of S.H.I.E.L.D. Ouais. Maintenant, dans quel ordre on va le découvrir maintenant? Mais en tout cas, voilà, grosse victoire de Marvel, on le disait. On va voir qui est troisième avec 75 points, donc là encore 10 points de plus que The Flash. Énorme. Seulement 27 des auditeurs, juste un point de plus donc que Flash, donc toujours moins qu'à Outcast et toujours moins qu'à John Carter. Et oui, c'est la maman d'Agent Carter, c'est Agents of S.H.I.E.L.D. qui est troisième. Ouais, en même temps, il faut reconnaître que cette saison était quand même la moins bonne de tout temps. La première partie saison de la première en effet était mauvaise, ouais. Mais cette deuxième partie de saison n'était pas extraordinaire. La saison 3 était moins bonne que forcément l'excellente saison 3, saison 2 qui avait vraiment mis tout le monde d'accord sur son excellente qualité. Et le début de la saison 3. Tout le monde en 8 épisodes. Forcément, il y a plein de commentaires. J'ai vu plein de commentaires. Moins en joué sur la seconde partie de saison. Mais moi, je l'ai trouvé quand même assez correct. Oui. Tu l'as placé 4e sur tes 12 séries, John Soshid avec avant The Flash. Je l'ai placé 3e, hein, puisque j'ai le top 4 dans l'ordre. Donc à partir de maintenant, j'ai toutes les séries, je les ai placées à la même place. Clément, toi, tu l'avais placé 4e. Oui. Aussi. Tu avais mis The Flash juste devant, donc l'inverse par rapport à Arnaud. Non, je dis n'importe quoi. Si. Non, parce que The Flash était bien plus bas. Oui, The Flash était plus bas, mais en tout cas, voilà. Clément lui avait préféré The Flash. Pour toi, Elodie, tu l'as placé en 4e position, Irish en 3e place, et puis Léo, tu l'as mis en plein milieu de ton classement, à la 5e place sur 9. Voilà. Donc, on voit quand même une petite déception. Ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, elle était aussi 3e. Ah. Juste derrière le duo Flash et Daredevil. Donc finalement pas si. Donc ben une chute, mais au final dans le classement, voilà. 20 points de plus maintenant. Oh la vache. Poum, poum, poum. Daredevil. Une série qui a récolté 95 points sur un maximum de 106. Oh la vache. C'est énorme. Deuxième place pour les auditeurs avec le même score qu'à John Carter, 33 points sur les 40 qu'il pouvait, enfin sur les 40 maximum. Alors Daredevil ou Jessica Jones? Jessica Jones. Daredevil. Daredevil. Jessica Jones est deuxième. Non. Ils n'ont pas vu la fin de saison ou quoi? Jessica Jones est deuxième avec 95 points et donc Daredevil est la grande gagnante de cette année. Elle finit première pour les auditeurs. Mais non, mais c'est pas possible avec la fin de saison de Daredevil. Elle finit première pour les auditeurs avec 37 points. Non. Et avec un total de 98, donc juste 3 de plus que Jessica Jones, ça s'est quand même pas joué à grand chose. Hein. Putain. 98 points pour Daredevil. Mec, il y avait David Tennant. Tout de suite. Daredevil classé numéro 1 par Clément, par Irish et par moi-même, et Jessica Jones classée première par Arnaud et par Léo. Bah évidemment première cette question. Moi elle était deuxième, hein, Jessica Jones, mais bon, parce que voilà, elle était première. Ça se joue à rien quoi. Enfin pour moi du coup voilà, vraiment entre les deux ça s'est joué à rien parce que c'était clairement. Ah oui, moi aussi pareil. Le reste, ça s'est joué à quoi? Ça s'est joué à une scène en caleçon dans un salon. Non, moi ça s'est joué aussi à rien. Clairement les deux, si je pouvais les mettre rien, je les aurais mis première. Mais c'est mais vraiment. Mais elle fait des égalités. Hein. Non, oui, Elodie a fait des égalités. Elle, c'est la seule qui l'a fait dans le. Ah. Dans le... Non, ouais, on avait le droit. C'était oui, vraiment. Après, qu'on pouvait pas. Tu m'avais dit qu'on pouvait pas faire. T'avais pas précisé qu'on pouvait. Non, j'avais rien précisé. Donc. Quand je t'avais demandé, Mathieu, tu m'avais dit non. Ah ouais, mais toi c'était pour t'emmerder. C'est moi qui t'emmerde là. Je suis désolée, j'avais pas pu choisir entre Flash et Arrow, donc je les ai mis à égalité. Hein. Voilà, et c'était dans le bas du classement, hein. C'était pour les 3 points, c'était pas pour mais la tête. Non, moi j'ai mis Daredevil en tête, c'est vraiment pour un chouïa quoi. Vraiment parce qu'il y a eu des. Enfin, vraiment parce que j'ai surkiffé cette saison et que je m'y attendais pas quoi. Moi je sais pourquoi je l'ai mis en tête par rapport à Jessica Jones, c'est tout bête. Hein. C'est parce que Daredevil m'a stimulé vis-à-vis des comics et m'a fait réfléchir à des choses, à ce que pouvait être notamment ce trou, à ce que pouvait être plein de trucs, à la signification de certains personnages par rapport à ce que j'avais lu dans le run notamment de Miller et compagnie. Voilà, Daredevil m'a donné envie de relire les comics et m'a donné envie de creuser un peu pour essayer de découvrir un peu plus sur les cliffhangers. Ce que Jessica Jones n'a pas forcément fait sur moi. Alors qu'elle était pourtant excellente. Hein. Mais voilà, c'est ce petit plus qui a valu à Daredevil le fait que je la mette première, mais c'est tout. Moi, j'ai mis Jessica Jones devant parce qu'il y avait David Tennant et qui était exceptionnel en Killgrave. Non, mais après, au-delà de mon fanboyisme sur David Tennant, voilà. au-delà du fait que je suis fan absolu de ce mec-là, Jessica Jones, c'était quand même une pure claque. C'était passionnant, c'était puissant de bout en bout. Et là, moi, du coup, aussi, j'ai eu extrêmement envie de lire les comics Alias pour voir... Oui, il faut les lire, non mais clairement, il faut les lire, c'est du CSS. ça va être une belle éternité, clairement, parce que des quelques excellentes choses de Bendis avec ce qu'il a fait sur Daredevil et Powers. Non mais voilà, parce que c'était puissant, chez puissant, c'est de bout en bout, ça m'a fait. J'attendais cette série comme le Messi, hein, pas que pour David Tennant, mais enfin voilà, parce que je trouvais ça bon. J'adorais les acteurs. Je voyais le truc, mais genre être génial à des kilomètres, et j'ai été loin d'être déçu. Je la mets devant Daredevil, bon, par un peu par hype, mais aussi parce que vraiment. J'ai jamais ressenti de faiblesse, de trucs dont en plus il y a l'avantage de la première saison, alors forcément ça fait un peu plus frais que Daredevil qui en est à la deuxième, même si la deuxième est excellente. Bon, Daredevil, la saison 2, je l'ai trouvé génial aussi, enfin le Punisher a été super bien intégré, un acteur de Walking Dead qui a fait sa putain de rédemption, hein. Coucou Jean voilà, le Charlie Cox est toujours bien, tous les acteurs sont toujours bien, enfin c'est toujours passionnant comme à regarder, en plus enfin je l'ai quand même vu en marathon, enfin en 3 jours je les ai finis, bon c'est dire si j'ai vraiment aimé, mais Jessica Jones avait ce truc en plus, tu vois la figure féminine forte, le truc sur les, enfin sur le rôle du super héros, la manipulation, l'entrée de Luke Cage, enfin il y avait tout, c'était voilà. Et puis il y avait David Tennant et là voilà. Et exactement, si tu viens de pointer un truc que je voulais te dire, c'est que c'est pareil, ça s'est joué à pas grand chose entre Daredevil et Jessica Jones. Mais d'une part la fin de saison des deux m'a déçu un petit peu. Donc il a fallu trouver un autre moyen pour les départager. C'est surtout que, comme tu l'as dit, d'une part, Jessica Jones est plus fraîche parce que c'était la première saison. Et surtout, c'est que ce qui m'a fait un peu plus pencher vers Jessica Jones que Daredevil, c'est que Daredevil était génial d'un point de vue d'adaptation comics. Vraiment, c'était, comme disait Mathieu, c'était stimulant, ça te donnait envie de réfléchir par rapport aux comics et tout ça. C'était vraiment une très très belle adaptation et même une très belle réinvention puisqu'ils suivent pas case par case les comics. Mais Jessica Jones, elle avait, pareil, c'était une très bonne adaptation, mais là pour le coup, c'est une bonne adaptation dans son atmosphère, dans le caractère des personnages, mais pas du tout dans l'intrigue puisque ça ne suit absolument pas les comics alias. Mm. Et c'est juste que ce que Jessica Jones avait en plus, c'est que vraiment, c'était pas uniquement une série de comics, c'était bien plus encore à travers justement cet argument des comics, des super-héros, ça a permis de développer d'autres sujets qui sont pas forcément traités ailleurs, qui étaient très bien traités en plus, comme par exemple le viol avec Killgrave. Et c'était vraiment ce petit truc en plus qui fait que, certes, c'est une série comics, c'est une série Marvel, avec l'univers partagé, blablabla, et on sait, avec le mini-univers Netflix, avec Defenders et tout ça. Oui, enfin, dans l'idée, dans la théorie, c'est partagé. Mais, enfin, en elle-même, elle fonctionne très bien, mais elle fonctionne aussi par elle-même encore plus, puisque on peut pas juste dire c'est une très bonne série comics. Elle pourrait être juste une très bonne série si c'était pas une adaptation comics. Non, parce que elle a de ça. Oui, mais c'est de ça en plus que je veux dire, c'est que elle a porté encore plus que Daredevil. Je veux dire, elle nous a questionné encore plus que Daredevil sur des thèmes qui sont pas forcément liés tout de suite au premier abord aux comics. Et puis en plus. Et aux super-héros surtout. Oh, la justice, la religion surtout dans Daredevil. Oui. Non mais en plus dans Jessica Jones, je suis désolé mais il y a un truc en plus, il y a David Tennant. Ouais, David Tennant, pardon. Non, pour être plus sérieux. Il est fatiguant ce mec. Non mais bon, je vaut mieux ça que le running gag sur Gotham. Ah, bon, breaking news, ouais. David Tennant dans la saison 2 de Legends of Tomorrow. Pour être plus, il va prendre 15 places dans le classement pour Léo l'année prochaine. C'est ça, ouais. Non, même avec David Tennant, déjà il y a Arthur Darvill, j'ai de la peine pour lui, alors bah ça sera un beau voilà. Non, mais il est pas si con David. Faut pas déconner, Arthur peut-être, mais bon, voilà. Non, mais pour être plus sérieux, si Marvel et Netflix sont en tête cet été, enfin pour cette année, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que Marvel Netflix a tenté, hein, tu vois, des formats, tu vois, longs de 50 à 55 minutes, extrêmement poussés, avec des scénarios vraiment vraiment chiadés, vraiment très soignés, qui explorent des trucs en profondeur, qui surtout ça a des couilles. Non, mais voilà, ça a des couilles. Mais justement. Par rapport à la CW qui clairement ne tente, enfin, soit quand elle tente ces trucs, ça reste à un niveau extrêmement limité, voire répétitif, voire juste complexe pour faire du complexe. Coucou la saison 2 de Flash. tu vois, j'ai aimé Flash, mais il faut dire ce qui est. Et puis sinon, c'est mièvre comme c'est pas permis, avec des personnages mièvres comme c'est pas permis. Non, mais regardez la différence de traitement entre comment elle s'appelle, Caitlin Snow et Iris West par rapport à Deborah Ann Wall qui joue Karen Page. Karen Page dans Daredevil. Non mais je suis Karen Page dans Daredevil. Ah, non, meilleurs personnages féminins que j'ai vu traiter dans une série. Ah mais si. Moi je l'aime pas trop, mais bon après. Moi je l'ai trouvé super bien dans cette saison parce que voilà, il donnait quelque chose. Et puis même si tu prends un exemple qui est maintenant canonique, Jessica Jones en elle-même, par rapport à toutes les femmes traitées dans les séries de CW, ça n'a rien à voir. Le niveau n'a rien à voir, l'exploration n'a rien à voir. Si Marvel et Netflix et tout ça sont là, par rapport à l'exigence dont on parlait tout à l'heure, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on est exigeant et parce qu'on veut voir quelque chose qui est plus qu'une série de comics, qui parle de quelque chose de plus, quelque chose qui va au-delà. Et Marvel Netflix le fait extrêmement bien, alors que la CW se cantonne à du divertissement qui, bah, une saison, deux saisons, d'accord, trois saisons, ça commence à faire beaucoup. Après, je me comprends, la CW n'a pas autant de pouvoir faire des choses sombres et allant aussi loin que tu peux te démerder même avec un budget qui est un peu moindre. Non, mais je suis d'accord, entre le budget et même le fait, c'est que c'est sur des networks, tu peux pas tout montrer, tu peux pas faire des choses très sombres. Et ce qui est dommage, parce que moi, c'est bien pour ça que j'aime pas Flash, parce que c'est trop bisounours. Et bref, voilà, je trouve ça trop lisse. Qui justement n'a pas lieu dans les séries de Netflix, et je pense que tout le monde préfère ça. Mais ils devraient porter un peu leur couille et faire quelque chose de plus puissant. Il faut savoir que ce sont des acteurs qui savent jouer aussi sur Netflix. Bah ça, c'est sûr. Sur Netflix, c'est sûr. Ça, ils recrutent des bons acteurs, ils ont de la thune, ça, bien sûr. Mais enfin, ils peuvent se. Enfin, tu vois, la CW, ils ont quelques. Même Grant Gustin, je suis pas un fan, mais Grant Gustin, Carlos Valdez, tu vois, enfin, tu peux te démerder avec des acteurs comme ça. Grant Gustin, dans l'épisode de Kevin Smith, là, il a jamais été aussi bon. Ouais. Non mais enfin Mathieu, tu vois par exemple. Je suis d'accord aussi. Voilà, donc on est, on a vu avec Kevin Smith qui est autre chose que n'importe quel réalisateur d'épisode lambda, a montré que ces acteurs peuvent être un peu transcendés pour peu qu'on les mette dans des. Et même globalement, on peut rendre des séries de la CW belles. Puis, voilà, et en plus, prenons même Legends of Tomorrow, concrètement, si même leurs idées sont merdiques, ils ont tout foiré, mais leurs acteurs, en eux-mêmes, sont pas de mauvais acteurs. Wentworth Miller, Arthur Darvill, Victor Garber, c'est pas non plus complètement des mauvais acteurs, c'est des acteurs qui ont du vécu. Et pour c'est des has-been, le souci, c'est un peu, j'ai pas trop de pour redorer leur image. Voilà, et tant qu'ils continueront, notre classement, s'ils continuent dans cette voie, si toutes les séries là dont on a parlé continuent dans cette voie, le classement sera pas franchement différent l'année prochaine. Voilà, en tout cas, il y en a pour tout le monde au niveau du goût, ça c'est clair. On verra l'année prochaine, on a encore des petites nouvelles. Le top n'aura plus que 20 séries entre guillemets. Hein, voilà, on a les Riverdale, on a les Powerless et toutes ces autres merveilles qui vont arriver. Comment? Légion et Krypton, non? Ouais, pour l'année prochaine. Ouais, puis on n'est pas très très pressé. C'est terminé pour cette saison 2015-2016, saison en demi-teinte. On a eu l'occasion encore une fois de revenir dessus avec une série Netflix qui triomphe. Le Diable de Hell's Kitchen a foutu sa petite raclée à l'éclair à Obolie d'Écarlate, voilà, qui est passé quatrième après avoir été premier la saison dernière. On verra qui prend le relais la saison prochaine. Est-ce que Daredevil va gagner sa place? Il faudrait qu'il y ait une saison 3 dès l'année prochaine. Et ça, on n'est pas encore sûr. Hein. Non, je pense pas. Donc, a priori, on se dirige vers un nouveau tenant du titre dans un an. J'aimerais bien que ce soit Riverdale. J'aimerais bien. Si c'est nul, non. J'aimerais bien parce que je crois en cette série, mais si elle ne le mérite pas, elle ne le mérite pas. Enfin, voilà, c'est pas, ça c'est sera quoi, pas le drame. Quand est-ce qu'arrive Luke Cage? Luke Cage, le 30 septembre. Bon, celle-là sera dans le classement. Vous êtes plus cher. On ne sait pas. De quoi? Ils n'ont pas annoncé. On n'a pas de date, ni pour Jessica, ni pour Punisher, ni pour tout ça. Mais Daredevil, Jessica, ce sera après Defenders, apparemment. Et Punisher, on ne sait pas, mais probablement aussi. De toute façon, les deux prochaines, là, c'est Power Man et Iron Fist. Enfin, Power Man, Luke Cage et Iron Fist. Donc voilà, Iron Fist qui prendra sans doute la date du printemps. Ça sera à la place de Daredevil et Defenders, à la place de Luke Cage. Dans un an, voilà. Donc on verra si ces deux petites nouvelles vont continuer la hype et prendre peut-être les places 1 et 2, hein, comme Jessica Jones et Daredevil l'ont fait cette année, on verra. Si le modèle Netflix est toujours porteur. Allez, on va se quitter donc pour cette saison télé, c'en est terminé pour nous. On se retrouve évidemment à la rentrée pour reparler des séries télé. Elodie a soumis l'idée, et je la trouve plutôt sympa, de faire aussi un bilan de saison du côté du cinéma, puisqu'on ne le fait jamais. On fait juste les awards en fin d'année où on donne notre meilleur film et le moins bon, mais on ne fait pas de bilan de saison. Donc on vous proposera sans doute dans l'été une émission un peu similaire à celle-ci. On va peut-être laisser Suicide Squad sortir et le faire après. Ouais. Que ça sera vraiment le dernier film de la saison, Suicide Squad, donc on va on fera ça après. Et là aussi, il y a un petit paquet de films à classer, donc on se retrouve dans le mois d'août pour ça, pour savoir qui de BVS ou de je ne sais quel Fantastic Four, voilà, déclare. Non, Fantastic Four, c'est la saison dernière. Ah, c'était la saison dernière. C'était l'été dernier. Ah oui, c'est vrai. Ouais, la saison, elle commence en septembre pour moi. Ah, d'accord. Non, mais bon, c'était quand même c'était un an. On verra. Il y a négociations à faire. On n'a jamais, assez de dire du mal. Je vous avoue que moi, voir qui de Fantastic Four ou de BVS sera dernier, ça m'intéresse. Ouais, ça va être dur, hein. Elles se battent. Hein. Elles auront cherché toutes les deux. Allez, et pour ceux qui ont envie de s'infliger du mal, rappelez-vous, la Ultimate Cut est disponible. Voilà. Parle pour toi. Moi, je regarderai, apparemment, c'est bien mieux monté. Eh bien, écoutez, vous nous direz à la rentrée si Batman est mieux monté, mais en tout cas, pour le moment, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances ou qui ont terminé eux aussi leur année. On se retrouve à la rentrée pour les séries, dans l'été pour Suicide Squad et pour du coup un bilan du côté du cinéma. Bon été et à bientôt. Salut.